kuishi kwangu wanijua vyema baba niko mbele zako wanijua come. Wanijua mawazo yangu, wanijua vyema Baba, niko mbele zako. Wanijua vyema Baba, Baba wanijua. Wanijua machozi yangu, wanijua